bonjour, mettre la langue dans le trou, et puis quand on crache, céder du poids de son corps. Le sport, j'en conviens, n'est pas ma spécialité. Ma chronique de la semaine n'en sera pas moins sportive. Mettre la langue dans le trou, et puis quand on crache, céder du poids de son corps. Je ne me lasserai jamais de dire cette phrase découverte dans West France, dont la lecture parfois est plus suggestive que celle de Penthouse, plus ensorcelante que celle de Voluptuous. Mettre la langue dans le trou. Et puis, quand on crache, céder du poids de son corps. Dans l'édition Bretagne du plus grand quotidien régional du 5 août 2019, on découvre les conseils sportifs de Stéphane Salomon, qui pour la troisième fois participe au championnat du monde de cracher de bigorneau. Il faut choisir un bigorneau ni trop gros ni trop petit. Le trop gros bigorneau présente une lourdeur dans l'atmosphère qui ralentit sa propulsion. Le trop petit bigorneau n'a pas une capacité suffisante pour fendre l'air. En 2019, à Sibiril, commune du Finistère, située non loin de Roscoff, force est de constater que la gloire du plus grand cracheur de bigorneau du monde, Alain Jourdan, n'a pas été entachée. Son record du monde, 11 mètres 04, nous ne l'apprendrons à personne, reste indépassé. Le meilleur cracheur 2019 n'atteignit que les 9 mètres 90, la meilleure cracheuse que les 7 mètres 90. Alain Jourdan, aujourd'hui, n'est plus. Souvenons-nous de lui, c'était le plus grand. Chaque année, depuis 2001, c'était lui le vainqueur, l'éternel victorieux, le sempiternel triomphateur. Nous ne résistons pas à nous souvenir, non sans émotion, de ses exploits passés. 9 mètres 70 en 2002, 10 mètres 40 en 2003, 10 mètres 11 en 2005, 10 mètres 41 en 2006, jusqu'à ce jour fameux de l'été 2011, où il fit exploser son record que nous rappelons avec admiration, 11 mètres 04. Les vrais amateurs du cracher de bigorneau mesurent aussi la prouesse qui fut la sienne quand en 2015, Alain Jourdan réussit un lancer certes de 8,80 m, mais par vent contraire. À ce jour, aucun livre, aucune série, aucun film ne retrace l'odyssée sportive d'Alain Jourdan. On rêverait d'un biopic sur l'exploit du Finistérien qui, pour jouer le rôle d'Alain Jourdan, Jean Dujardin, Fabrice Luchini, Kev Adams, pourquoi pas Ryan Reynolds, Dwayne Johnson ou Robert Downey Jr. N'oublions pas que l'événement de Sibiril est international. Cette année encore, de nombreux Allemands et Anglais y ont participé. Le film pourrait sobrement s'intituler 11 mètres 04. Certains esprits sinueux pourraient opter pour un titre moins concis, mettre la langue dans le trou, et puis, quand on crache, céder du poids de son corps. Merci François Morel.